Pour être honnête, j'sais pas faire autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique l'aimait jusqu'à ce que je sois dedans. Contre ABRE veulent me faire signer. Personne t'aimera comme moi, m'a dit maman. Si ce n'est le genre que je vais rouler. Tu me feras oublier mes chances faites ce monde. Le diable et son fils s'y enroulent. Très loin des maisons de disques, mais près de mon public avisé. Très loin des ventes et des chiffres, mais près de la musicalité. Regarde au-dessus, il n'y a plus de nuages. La pluie ne risque pas de tomber. Regarde mon cœur, il n'a plus de grillage. Mais personne ne risque d'y entrer. L'absence de lumière vécue dans le noir. On se dit frère par son fume calme de noir. La méchance de des hommes m'attriste beaucoup. La voix des anges résonne moins que celle des beaux. Je le porte dans mon cœur, il me porte l'œil. J'ai tué le game et j'ai fait le deuil. Négro me dit qu'on est ensemble. Mais grand cas d'échec, je serai tout seul. Ferme dans la bouche, elle aime le goût du risque. Il croit pas en moi, mais veut être sur la liste. J'ai qu'un seul amour, c'est la chanson. Solitaire, je n'ai pas besoin d'attention. Je tire et je tue, tu meurs et c'est tout. T'avais qu'à fermer ta grande gueule. Je tire et je fume, je m'en vais sur la lune. Dans des perquises argentées. Esprit torturé, douleur intestinale. J'ai avalé mes chances de l'homme. Je l'ai digéré, j'ai pris le bien du mal. Je me sens comme Adam juste avant la pomme. L'absence de lumière pétue dans le noir. On se dit frère parce qu'on fume quelque noir. La méchance de des hommes m'attriste beaucoup. La voix des anges résonne moins que celle des beaux. A chaque fois que je sors sans prendre des sauts, la vie me rappelle que je viens de loin. Pique dans le dos tel le sombre horizon. Trahison stand sauf par le boutin. Je sers plus de meufs que de mains. Le genre masculin je m'en méfie. Trop écarté, genoux fléchis. Billage connaît déjà fin du reste. Enfermé dans cellule, je dessoule. Je reprends conscience de mes soucis. Dans son vagin, je me défoule. À chaque je t'aime, je me détruis. Pour elle, je suis autre chose que Damso. Elle voit en moi ce que je ne vois plus. Métissé comme touche de piano. Entre le vivre et le vécu. Je fais un malaise eucharistique. Je suis entre sucré et salé. Le diable se cache derrière l'artistique. Au milieu de la musique, j'étais pas prêt.